Ojo malkai mama o Pontal palel pou o Paske goutou a fweka Li men li deklare Msi tel maradi Yo van mwen amache San sel bagay pou mfe Se lèl tombe troase Se met ki kwa sou li Lè sa la prespekte La vin adore La pa jenou na bi Yo jou Li vin parat li di Bonjou chéri Mwen men Tellement saisi M'oblige pa pale oh. Apre m vin rakonte Li tombe embrase Mwen fel deklarasyon Mwen si tellement kontan Mal tombe non pikan Juste la ruelle pikan Mwen si tellement vexé Mwen monte matisan Male la kay son son Tombe fe mouve san Tombe krashe san Vine konvali san Sa m'a passé Ils ont fibré mais Et puis c'est vrai Et comme on oufflé Pour brésiller Et monsieur Fatigue m'a prié Et c'est moi Connais ça m'a passé Son fibré mais Et puis c'est vrai Et comme on oufflé Pour brésiller Kamete ou la tripotay Yo me koute sa mon apiti Se ou mreme ma mi chéri E pi kou koute voisinay Kamete ou la tripotay Yo me koute sa mon apiti Ou mwen mey mwen biche Gade ki jan ou fè ma pre kwak I maman chéri ou konem gen kob Tout sa ou vle ma pase tel I di mi ou di mo pou m konsole Gade ki jan ou fè ma pre kwak I maman chéri ou konem gen kob Tout ça roule, ma passe telle Et j'y mis un petit mot pour me consoler Et lui, quand on coupe des voisinages Et quand on mette la tribotaille Et on va goûter ça, mon appétit C'est où me réveille, ma vie chérie Et lui, quand on coupe des voisinages Kapete ou na tripotay Yo akoute sa mon apiti Se ou mreme ma vit chéri